Oh putain. Pour ça, je sais que c'est les autres, mais moi je. Bah ouais, non, mais parce que moi, il y a moi qui te regarde, quoi. Donc, en gros, les autres. Le truc, on nous parle pas toujours des élections, de la présidentielle, de la politique, de la gauche et de la droite. C'est pas et qu'on la politique peut pas mettre une utilité par. Je laisse le 20e siècle sans regret. Ah, pas de singe. Je n'ai pas terminé ce rapport. Je ne pense pas qu'on l'ait dit avant moi, et ça n'a rien de scientifique. Mais comment expliquer ça? Vu d'ici, tout me paraît très. Très différent. Le temps n'a plus de sens. L'espace est. Sans limite. Nous sommes un grain de poussière dans la galaxie. Je me sens très seul. Mais si vous n'aimez pas votre boulot et qu'il est si ennuyeux, alors pourquoi vous continuez? Qu'est-ce que tu dis? Tu quittes ton boulot? Attends, pas si vite. Fais-moi un peu confiance, tu veux. Je leur ai demandé un congé pour soigner une maladie congénitale très rare. Bien joué. C'est radical et suffisamment évasif pour décourager les questions. Je te félicite. Et tu fais tout ce que tu as marque de volonté, mais j'aurais tellement aimé que vous ayez les images de nous tous dans le noir. On avait peur. Mais nous sommes là et j'espère que vous aussi. Merci pour votre fidélité. Et juste. Lui, son père, il est montreur de marionnettes. Je vais vous dire, la vie, c'est dingue. Un jour, on se retrouve au lycée, on a une voiture et on est les rois du monde. Et puis, on a besoin d'argent, alors on bosse, on se dit que c'est temporaire, mais ensuite, on a une promotion et une augmentation. Et alors, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Sauf que ce ne sont pas des portes, ce sont des trappes. Et on est piégé. Et un jour, tout d'un coup, bing, on se rend compte que 20 ans sont passés et on se dit, c'est tout ce que j'ai fait de ma chaîne de vie. Putain, ouais. Tu t'es déjà demandé ce que faisaient les jeunes le samedi soir, il y a 100 ans? Aucune idée. Ils devaient prendre le chariot de leurs parents pour remonter la grande rue et se mater les filles. Et puis ils jouaient du banjo et, comme maintenant, faire les cons. Bon, alors, notre vie peut pas être mieux. La nôtre? Ouais. Pour l'instant. Malheureusement, on va grandir, trouver du travail, faire l'amour et sûrement devenir alcoolique. Tu sais, des fois, tu me déprimes. Hey, je suis assez doué pour ça. Ouais, génial.